Micro. Ça se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ?»« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après ? Après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après ? Après ! Vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. Allez, parti à Flémal. Flémal, il y a plusieurs Flémal, j'ai appris de Xavier. Il y a le Flémal haut Flémal. Flémal haut, Flémal bas, Flémal la grande, c'est ça ? Il y a alors La grande. Oui, oui, Flémal grande, c'est ça, oui. C'est combien de kilomètres de Liège, ça ? Une dizaine, oui, par le quai. Voilà, donc j'ai pris le train parce que voilà, il y a ici Xavier, il y a ici Jack. Alors c'est grâce à, on va dire grâce, hein, parce qu'au départ c'est toujours grâce. Après, on ne sait pas toujours. C'est à côté. On ne sait pas toujours comment les choses. Voilà, mais c'est grâce à Xavier que ce micro ouvert se fait. Alors, Xavier, tu te présentes en quelques mots et t'expliques un peu le contexte de notre entrevue ici avec Jack. Oui, moi c'est Xavier, Gabriel, je suis éducateur spécialisé, militant pour les droits des réfugiés. Et alors, je peux expliquer pourquoi je tenais à faire cette rencontre avec Jack. C'est que je le connais depuis de nombreuses années. Et je trouve que ce qu'on a pu dire et raconter sur lui dans la presse dans le cadre du conflit en Ukraine où il est parti se battre dernièrement, c'était particulièrement injuste. Donc moi très clairement je suis musulman, je suis militant antiraciste, j'ai jamais connu Jack sous un jour sombre, on l'a présenté comme un néo-nazi, comme un déserteur. Et on ne lui a pas donné le droit de réponse, donc je trouvais que c'était nécessaire. De lui offrir un droit de réponse, puisque j'ai beaucoup fréquenté dans les milieux alternatifs les conventions tatou et tout ça, et moi, c'est pas du tout le personnage que je connaissais qui était présenté dans la presse et par une certaine gauche caviar, quoi. Voilà. Mais quand tu dis présenté dans la presse, bon, c'est sûr que moi, je lis pas toute la presse, mais de quelle presse tu parles ? Au départ, c'est Le Soir qui est venu m'interroger. Pourquoi déjà ? Pourquoi toi ? Parce que j'avais ouvert sur Facebook et sur d'autres réseaux sociaux, notamment, comment est-ce que ça s'appelle ? C'est un réseau avec des blocs, enfin soit. Une page de recrutement où j'expliquais tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir être engagé dans la Légion qui venait d'être créée par le président Zelensky en Ukraine. Il a créé cette légion-là, en fait, pour recruter des personnes qui se présentaient spontanément dans les ambassades au niveau des États-Unis, par exemple, où il y a une grosse diaspora ukrainienne. Il y a de grosses communautés aux États-Unis et au Canada, notamment. Et tu expliquais que via ton Facebook, tu avais donné un peu le mode d'emploi pour recruter, voilà. Alors. Et à partir de là, les journalistes du Soir... Je pense ont un petit peu été voir sur Internet et sont tombés sur la page. Tout simplement. Oui, tout simplement. Voilà, c'est comme ça que ça démarre, quoi. Oui, oui. Et alors, Jack a une particularité. C'est, je pense, un Luger que tu as tatoué. C'est un Beretta, voilà. Donc chacun interprète ça comme il veut, mais il y en a beaucoup qui... Il a un Beretta où ? Bah d'abord, il est skinhead, clairement, quoi. Maintenant, skinhead, y a des tas de skinheads différents. Il y a des Oi Polloi, donc qui sont... Oh là là, lâche mes gars. Mouvement skinhead, c'est un mouvement ouvrier, en réaction au mouvement punk, qui a décidé plutôt d'être de la revendication, mais pas que... Enfin, Jack pourra donner son interprétation, on a tous notre interprétation, c'est un mouvement extrêmement varié, malheureusement. Skinhead ? Oui. Malheureusement, il y a des gens de gauche, il y a des gens de droite, il y a même des gays qui sont skinhead. Mais moi, je pensais qu'un skin, c'était un raciste, un facho. Hein. Voilà. Moi, c'est le problème, c'est qu'on voit toujours les pires en premier, tu vois, comme les extrémistes musulmans, par exemple. Moi, je suis musulman, donc on voit toujours les pires en premier. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça, quoi. Ça, je préfère laisser parler Jack, quoi. Mais quoi, vous avez envie qu'on aborde ça, la définition du skinhead ? Mais non, c'est pas tellement ça, mais c'est... Ça, oui, mais je vais laisser parler Jack, mais c'est une des raisons pour lesquelles on l'a traîné dans la boue, et je crois que ça mérite d'être développé un petit peu, même si on va pas s'arrêter trop là-dessus, quoi. Pourquoi ? Parce que toi, t'as été skinhead ? Je suis toujours skinhead, je suis skinhead depuis que j'ai plus ou moins l'âge de 9 ans. Ça commence avec le groupe Madness dans les années 80, fin des années 70. Mais c'est un mouvement qui existait déjà préalablement avant ma naissance. Moi, je suis né en 1970. Les skins sont nés en 68-69, en même temps que le pas de l'homme sur la lune. Et c'est un mouvement qui, à la base, était basé sur le skinhead reggae, qui est l'ancêtre du reggae actuel. Et notamment des gens comme Bob Marley, qui est le plus connu, ont fait des tubes en provenance de Jamaïque. Et c'était pour eux la seule manière de pouvoir vendre des disques. C'était de capter une jeunesse en Angleterre à l'époque. Donc la Jamaïque est une ancienne colonie anglaise. Il y avait beaucoup de connexions entre les deux. Et il s'est fait que le mouvement mode, qui lui était né dans les années 60... Mode ? Les mods, les modernistes, en fait, qui sont une réaction un peu... une réaction moderniste. C'est un mouvement assez futuriste par rapport au Teddy Boys, par exemple, ou au Rockabilly, qui, eux, étaient des conservateurs un peu redneck et aux valeurs plutôt victoriennes. Les mods, c'était un petit peu plus foufou et ouvert à des choses un peu plus modernes, comme la Vespa, le rock un peu plus... La Vespa, tu parles de la petite Vespa ? Le scooter. Okay. Et le scooter est un élément qui s'est transmis des mods vers les skins, qui s'est transformé chez les mods. On voyait beaucoup de rétroviseurs, par exemple, des bulles aussi de protection en verre devant les personnes. Et chez les skins, bah, tout est enlevé, c'est le modèle rat et il n'y a plus qu'un tube. Ouais, non, moi, je suis pas du tout... mes références, ni... Mais, par exemple, pourquoi les skinheads, j'ai cette image, tu l'as un petit peu dit, hein, ça veut dire qu'on retient que cette image-là, mais comment ça se fait que moi, les skinheads, vraiment, j'étais persuadé que c'était des sales fachos ? Tout simplement parce qu'à mon avis, tu t'es jamais penché sur le sujet, parce qu'il suffit de taper skinhead sur Internet, tu as les deux variantes qui sont tout de suite... Ah oui, il y a les deux variantes qui sont là. Oui, le mouvement skinhead... Ça veut dire quoi, skinhead ? Skinhead, c'est tête de peau, littéralement. Donc, tête de peau ? Tête de peau, crâne rasé, ouais. C'est en réaction un peu au mouvement plus psychédélique des années 60. Longs cheveux. Exactement. Et qui prônait aussi l'utilisation de drogues plus psychédéliques aussi, qui agissaient sur le mental, etc. Les skins étaient plus portés vers la bière, certainement le pétard, mais surtout la danse, le reggae et le look un peu propre des ouvriers qui s'endimanchaient, quoi. C'est un peu ça, les skins. Le look skin vient vraiment du mouvement ouvrier avec les Doc Martens qui sont des souliers d'ouvriers, les bretelles que les grands-papas mettaient pour leurs pantalons un peu plus larges. Voilà, c'est un peu la réaction aux mods qui, eux, partaient plus vers le psychédélisme et tout ce qui est sorti Floor Elevator et le garage un peu psychédélique des années 60, quoi. Alors toi, Xavier, tu as préparé plein de questions. On ne sera sûrement pas toutes les poser, mais si on pose la question de skinhead ici par rapport à Jack, c'est parce qu'on l'a traité ou on le traite de néo-fasciste ou... De nazi skins, oui. Donc, mais pourquoi, pourquoi ? Parce qu'il y a une grosse composante en Ukraine nationaliste qui existe, mais il y a aussi une autre composante qui est la composante libertaire. On s'en réfère là au mouvement MACNO qui avait combattu au moment de la révolution ukrainienne et russe, donc les bolcheviks, donc l'armée rouge d'une part. On est en quelle année là ? 1917. 1917, voilà, c'est ça, quoi. Et donc, les deux composantes existent, en fait. Donc, une composante anarchiste qui date de 1917. C'était des paysans organisés autour d'un monsieur qui s'appelait Macno. Là, tu vas nous l'expliquer. Voilà. Mais pourquoi, vraiment, qu'on comprenne pourquoi on le traite de... Mais pas que. Donc, ça s'est pas arrêté là. La Seconde Guerre mondiale, ayant subi les foudres de l'armée rouge et ayant été décimé quasiment, presque, du moins pour eux, les libertaires n'existaient quasiment plus, et les Ukrainiens se sont, pour certains d'entre eux, pas tous évidemment, il faut toujours nuancer, rapprochés de l'extrême droite, et il y a un bataillon extrêmement populaire en Ukraine, qui est le bataillon Azov, et d'autres composantes qui sont ouvertement néo-nazis, pour être clair. Et donc quand on voit quelqu'un qui a le crâne rasé, même si c'est un libertaire qui se réfère à Macno qui part combattre, automatiquement c'est un nazi skins. Et moi, ça m'a été complètement insupportable, parce que connaissant Jack, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, par exemple, dans des pays qui sortent du totalitarisme communiste soviétique, comme la DDR à l'époque, ou l'Ukraine, ou même la Russie. La DDR ? La DDR, c'est l'Allemagne de l'Est, la République démocratique d'Allemagne. Et il faut se dire qu'à un moment, on leur a tellement bourré le crâne, que ce soit à l'armée, à l'école, sur la mauvaise chose que tel le nazisme, le nationalisme, etc. Ce sont quand même des paroles de personnes victorieuses que, indéniablement, comme toujours dans la jeunesse, certains ont pris le pas opposé comme étant celui qui offrait le plus de liberté, vu que c'était interdit, quoi. Et qu'il faut se dire qu'ils n'ont peut-être pas la même vision du nazisme que nous, on a pu avoir ici, dans nos pseudo-démocraties. Parce qu'eux sont passés d'un système tsariste ou communiste. Quand tu dis eux, c'est les Allemands, quoi. Les Allemands, tous les gens du bloc de l'Est, tous les gens du bloc de l'Est ont connu ce problème-là. Ils ont tous souffert un petit peu de cette pression communiste qui constamment rappeler les fantômes du fascisme et du nationalisme, bien que beaucoup de composantes soviétiques soient de toute façon nationalistes. Il suffit de voir, par exemple, les Ukrainiens, ça c'est un fait avec leur drapeau jaune et bleu, mais aussi les meetings qui ont été organisés par le sieur Poutine, où là, c'est le drapeau russe qui domine. Il y a un nationalisme qu'on ne connaît même plus, nous, dans nos contrées, quasi, quoi. Et tant mieux, d'ailleurs. Bon, voilà, j'essayais juste de comprendre pourquoi on le traitait de... Parce que juste, il a le crâne rasé, c'est ça, l'argument, ça tue, quoi. C'est d'autant plus ridicule que n'importe qui se penchant sur le sujet. Bon, c'est vrai que dans les années 80, c'était assez mal documenté, mais depuis, il y a eu des films qui ont fait des cartons, comme This is England, par exemple, qui est un tout bon film un peu sociodramatique à l'anglaise. Et il y a pas mal de gens, il y a des bouquins qui sont sortis, mais beaucoup de personnes préfèrent camper sur des positions. Voilà, il a les cheveux courts, il a un look un peu militaire, ça doit être un facho, quoi. Allez, je parle avec un facho, alors, ici. Mais attends. Il est sous mes yeux, en fait. Donc, ce qui a fait tiquer les gens de gauche, c'est les cours francs wallons. Et donc, tu peux peut-être nous donner ta vision que moi je connais, que je partage en grande partie, des cours francs wallons, parce que... Qu'est-ce que c'est déjà ? Voilà. Moi, la composante que j'ai proposée à l'armée ukrainienne, donc à la Légion internationale qui s'est mise en place, c'est un corps France. Donc c'est un groupe de civils qui décide de prendre les armes pour aider une cause ou une autre, sans pour autant être militarisé. Donc sans, en général, avoir de hiérarchie de départ. C'est une initiative populaire totalement, d'autodéfense et des corps francs, il y en a eu en France, il y en a eu en Allemagne dans les républiques qui ont été annexées par l'URSS à l'époque. Il y en a eu beaucoup dans toute l'Europe, en fait. Un corps franc, c'est un corps qui n'appartient pas à l'armée traditionnelle du pays en question, quoi. Donc là, j'ai appris par après qu'il avait été à l'époque question de corps francs wallons au moment de la Légion Wallonie, qui est la composante collaborationniste des wallons qui collaboraient avec l'occupant nazi. Donc Léon de Grelle est le type qui a fondé à l'époque le Rexisme, tout d'abord, comme parti politique, qui est un parti royaliste, fort catholique et très conservateur. et qui, à l'époque, il faut quand même le dire, a soulevé un mouvement de masse qu'on n'a plus depuis retrouvé en Wallonie. C'était un orateur assez véhément. C'est un personnage qui avait une aura assez convaincante, quoi, on va dire. Mais il y a une différence quand même entre la... On essaye de pas trop... On essaye de pas trop, enfin... Moi, je situe le personnage. Avant la Légion Wallonne... Une légion, c'est souvent une composante étrangère qui recrute un peu plus à l'aveuglette, comme la Légion française, la Légion étrangère, mais qui est militarisée. Le corps franc, lui, en général, est rarement militarisé. Il y avait déjà des corps francs, par exemple, alsaciens ou bourguignons à l'époque des empereurs Napoléon. Mais quoi, ils se battent alors sans armes ou ils doivent en trouver ? Ils se battaient avec des armes. Ils décidaient par exemple de venir renforcer certaines positions avec des gens qui n'avaient soit pas l'âge d'incorporer l'armée, ou alors c'était une époque où la conscription, donc l'appel obligatoire aux armes n'existait pas. C'était des armées... qui parfois étaient même des Allemands qui étaient employés en France, c'était des armées vraiment professionnelles. Et là, c'est la composante civile de certaines armées. Mais si on démarrait pour dire voilà, quand même non. Clarifier quand même ça parce que ça fait un gros paf quand même quoi. Ouais. Et clarifier ça avant la Légion wallonne qui elle était SS, existaient les corps francs. Oui. Et dans les corps francs, il y avait de tout. Il y avait des gens qui allaient combattre le bolchevisme parce qu'ils étaient anti-staliniens. Voilà. Simplement, il y a eu des libertaires qui n'étaient pas partis en Espagne, qui sont partis dans les corps francs. Donc il faut un peu nuancer les choses quand même. Il y a des corps francs anarchistes. Il y en a d'ailleurs aujourd'hui, à l'heure actuelle, en Ukraine, qui combattent. D'ailleurs, il suffit de vérifier sur Wikipédia, tout y est. Ouais, mais Wikipédia, des fois, ils racontent des conneries. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont une vision souvent... qui a dirigé. C'est un peu comme sur le sujet des skinheads. Il ne faut pas être universitaire pour découvrir qu'il y a une variante jamaïcaine qui a aussi... Il faut déjà s'intéresser à la chose. Hein. Oui, ça c'est un fait. Mais si on fait mine de donner son avis dans un grand média... De critiquer quelqu'un parce qu'il est skinhead... Bien sûr, il faut s'intéresser. Voilà, ouais. Si on se prétend journaliste d'élite, voilà, il y a quand même certaines choses qu'on peut facilement vérifier, tout simplement, quoi. Je suis d'accord. Mais démarrons. Oui. Toi, tu pars à la guerre en Ukraine. Oui. Explique-nous, c'est quoi la démarche ? Est-ce que tu as déjà fait ça ? C'est la première fois ? Oui. Et quels sont aussi tes... Pourquoi il y a la guerre, quoi, en gros ? Bon, il y a plusieurs questions, hein, mais... La guerre en Ukraine, c'est une guerre un peu de souveraineté. Donc, c'est un territoire qui, à la chute de l'Empire soviétique, a déclaré son indépendance. Et a pris certaines distances avec l'ancien empire soviétique, ce que n'a jamais vraiment apprécié Poutine, parce que historiquement, l'Ukraine est quand même un des berceaux des russophones et de la culture russe, etc. Donc ce sont vraiment, réellement, entre Moscou et Kiev, il y a beaucoup de points communs au niveau artistique, culturel, universitaire, etc. Ce sont des villes de savoir et de... Je disais que c'était en 1991 qu'elle est indépendante. C'est ça. Et que, voilà, ça fonctionne, en gros. Oui, oui. C'est indépendant, quoi. C'est un choix, je vais dire, comme le Conseil des Nations qui dit que tout peuple qui choisit l'autodétermination a droit à jouir d'un droit ou exercer, justement, ce droit à la liberté, quoi. Ça, c'est la Société des Nations qui le dit. C'est comme ça que, par exemple, il y a aussi des microcosmes comme Andorre ou Saint-Marin ou le Monaco, ce sont des nations qui sont souvent pas ni géographiques ni historiques d'ailleurs. Ce sont des nations. Il y a la nation, la notion de nation en fait. Pour revenir au mot nation, ça peut aussi s'appliquer à la nation Zoulou, la nation Apache par exemple. C'est une communauté. Qui se fonde sur les acquis du lieu de naissance et d'une certaine appartenance tribale, quoi, quelque part. Quoi. Pourquoi la guerre, alors ? Et pourquoi toi, à un moment donné, tu te dis, moi, j'ai envie d'en être ? ce qui a vraiment provoqué mon indignation et mon envie d'intervenir quelque part, c'est de revoir des choses que j'avais déjà vues à l'époque, en Yougoslavie par exemple. Et ce qui m'a le plus révolté, c'est un peu le laisser-faire et le recul bureaucrate de l'Europe, alors que ça se passe à une journée de voiture d'ici, quoi, ce qui était aussi le cas à l'époque en Yougoslavie. Et alors, ce qui m'a vraiment décidé, c'est que j'ai pas mal de contacts, par exemple à Kharkiv, dans la scène hardcore punk, etc., parce que j'organise pas mal de choses, j'ai un label, etc., je suis un fou de musique, on va dire. Et j'ai vu, par le biais de ces gens-là, sur le mur Facebook, hein, un peu comme nos enfants adolescents, des choses assez incroyables se passer sur 2-3 jours. Ça a été une blitzkrieg, vraiment, quoi, auquel, quoi qu'on en dise, personne ne s'attendait, quoi. Mais de quoi tu parles ? Je parle des débuts du bombardement, etc., au mois de mars, quoi. Quand la guerre avait vraiment commencé et pris une ampleur hors Donbass et que les troupes ont commencé à rentrer en Ukraine. Je crois que tout le monde est resté un peu pantois de la vitesse où ça se passait, quoi, en fait. Je vais poser une question, tu vas peut-être la trouver conne, naïve, mais j'ose. Oui. Mais quoi, tu es alors dans le camp ukrainien ? Je suis tout à fait dans le camp ukrainien, oui. Pas dans celui des Russes ? Non, pas du tout. Il y a une différence entre Poutine et son armée et le peuple russe, que je respecte profondément et qui, je pense, pour la plupart, respecte les Ukrainiens et me respecte aussi. Il ne faut jamais oublier que c'est Vladimir Poutine, et c'est les dires d'une seule personne, certainement d'un état-major fort limité, qui ont fait que la guerre s'est déclenchée. Il n'y a pas eu de mouvement populaire pour sortir dans les rues à Moscou en disant qu'il faut absolument mettre sur la tronche des Ukrainiens, quoi. Oui, mais voilà, moi j'avais envie de dire à la radio, parce que je l'ai dit hors micro, mais moi, je m'en fous de la guerre. Je trouve qu'il ne faut pas la faire, la guerre. Évidemment, ce serait trop génial que les gens fassent un fuck en disant, je caricature pour qu'on comprenne, à Vladimir Poutine et l'autre président ukrainien qui s'appelle Zelensky. Voilà, allez vous faire foutre, nous on ne bouge pas notre couille, on ne fait pas la guerre. Et on ne fait pas la guerre. Tu dis ? Ils s'appellent tous les deux Vladimir, ce que pas grand monde a l'air de soulever, c'est la guerre des Vladimir, quoi. Et que quand les grands puissants au-dessus là décident de faire la guerre, ils n'auront pas une tache de sang sur leurs vêtements, et que ce seront les petites gens qui vont bien manger. Dans les petites gens, il y a quand même des militaires qui, ma foi, savent quand même en s'engageant à quoi ils vont devoir se livrer. Ça, c'est une chose. Et il y aura toujours des chiens de guerre pour les grands maîtres. Ça, c'est évident, un peu comme il y aura toujours des policiers, il y aura toujours des huissiers. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on adhère à ce système-là. Hein. Il y a d'autres... En général, si on devient militaire, on est un homme qui ne doit pas réfléchir et qui doit obéir. Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Hein. C'est très souvent quand même le cas. Oui, mais heureusement, des fois, c'est pas toujours cette donne-là. Il y a toute l'importance du corps franc, où justement, il y a la responsabilité personnelle avant tout qui est engagée, et il y a toute une réflexion intellectuelle aussi derrière. Ça, c'est le corps franc, c'est donc ce dont... Le corps franc, c'est... Dont ouais, explique. Le corps franc Macno, c'est une référence au leader agrariste des années 20 qui a fait la révolution en Ukraine, Nestor Macno donc. Le corps franc, c'est une composante qui vient de Belgique et à laquelle peuvent adhérer des Français par exemple, etc. C'est juste une plateforme qui permet de rejoindre sur place la Légion. Les Français ou d'autres. Voilà, et qui plus tard pourra certainement tourner en association de vieux cons qu'ils ont avec leur béret et qui parlent avec une vodka, quoi, je l'espère. Mais quoi, toi, du coup, tu as pris contact avec ces gens ? C'est eux qui ont pris contact avec moi parce que j'ai Par un certain hasard, j'ai traduit 2-3 textes parce que, évidemment, l'état-major, c'est au tout début de la guerre, devait être et désorganisé et un peu débordé. Au début de la guerre, là, maintenant, en Ukraine. En Ukraine, oui. La guerre a commencé en 2014, au Donbass, hein, mais le fait qu'elle se soit répandue sur une bonne partie du territoire date du début du mois passé, quoi. Et j'ai remarqué que les textes en français n'étaient pas très bien traduits. Et qu'il y avait déjà sur Facebook certains trolls pro-soviétiques ou des idiots qui ne trouvaient rien de mieux à faire que de prétendre qu'ils étaient eux les détenteurs de la page officielle. Mais moi, tu parles ukrainien ? Je parle un tout petit peu ukrainien, je me débrouille vaguement, mais il y a déjà le problème du cyrillique. Mais quoi, c'est quoi que tu traduis? J'ai pas compris quand tu dis une traduction en français qui laissait à désirer. La première traduction, c'était les conditions qui étaient données par le président Zelensky. Donc c'est à la deuxième semaine, je crois, du conflit qu'il a décidé de fonder une légion internationale de défense territoriale de l'Ukraine, hein, comme ça a été dit. Donc il cherche du renfort, quoi, quelque part. Il cherchait du renfort, et je pense qu'il y a vraiment eu une pression, parce que la nation ukrainienne, déjà à l'époque de Makhno, comme à celle de la guerre de 40-45, qui a suivi une vingtaine d'années après, a connu une forte émigration vers les États-Unis, le Canada, qui étaient d'ailleurs les pays qui composaient en majorité la légion où je me suis retrouvé. Notamment des gens qui venaient de New York, où il y a un endroit qui s'appelle Little Odessa, dans l'état de New York, et où là, il y a la communauté juive qui s'y est retrouvée au moment de la Shoah, en 40-45. Il y a aussi tous ceux qui étaient proches du tsar, évidemment, parce qu'il n'a pas eu que des rouges au moment de la Révolution rouge. Et plus certains intellectuels, etc., qui ont choisi de partir. Mais ils ont une assez grosse diaspora. Mais je te laisserai reposer quelques questions que tu veux, hein, Xavier, mais on met un peu le contexte. Ouais. Mais du coup, tu disais que c'était eux qui t'avaient appelé. Non, je leur ai parlé en disant, voilà, j'ai traduit un texte, j'ai fait un petit visuel en vitesse. Oh, et il s'est trouvé que j'ai tout de suite eu affaire à quelqu'un d'assez responsable dans l'état-major pour la propagande, etc. Et qui m'a dit qu'il était preneur pour tout coup de main, qu'il soit de qualité, quoi, quelque part. Et quoi, qu'est-ce qui s'est passé alors là dans ta tête? Action? Tu vas là-bas ? J'ai d'abord pensé que j'allais partir d'ici, parce que déjà à l'époque j'avais 51 ans. Je les ai toujours plus quelques semaines. Je n'ai pas pensé tout de suite me lancer physiquement dans l'aventure, parce que c'est quand même quelque chose d'assez physique. Et je me suis dit que je pouvais faire quelque chose en arrière, en aidant. En traduisant, des choses comme ça, quoi. En traduisant, parce que aussi, il y avait le risque que de jeunes personnes, et ça, je le vérifie dans la longévité de la chose, soient pris par l'euphorie, etc., et se retrouvent devant des scènes assez. Qu'ils n'avaient pas imaginé, qui ont fait que, par exemple, quand je suis parti à la frontière polonaise avec l'aide de personnes qui nous ont convoités, ben la moitié du contingent a directement quitté cette idée de rejoindre, alors qu'elle était à 20 kilomètres Cette idée de rejoindre. La Légion étrangère et le corps d'entraînement à Yavoriv qui a été bombardé quelques jours après, où là on donnait les premiers. Les bases militaires, quoi, quelque part, pour ceux qui n'avaient pas de culture militaire ou d'expérience, quoi. Et toi, tu en avais? Ben, j'ai eu la malchance de faire mon service à l'armée belge, mais on ne peut pas dire que ce soit une expérience qui militairement amène beaucoup de choses. Et j'ai rejoint, en fait, au moment de la guerre en Yougoslavie. Je m'excuse. Tu t'es déjà mis en action dans des groupes comme ça pour la Yougoslavie? Du côté croate, en fait. Et j'ai rejoint plus ou moins le même genre de choses où il y avait des combattants qui venaient d'un peu partout en Europe. Et quoi, c'est beaucoup de gens? Il y a quand même pas mal d'aventuriers qui, je crois, s'emmerdent chez eux. Ça, c'est une première chose. Ou alors qui vont au bout de leurs convictions et qui réagissent au pied levé, ou plutôt que de devenir des patates comme certaines de nos militaires. Hein, des patates qui coûtent très cher et ne voient jamais une zone de guerre. Eux choisissent d'y aller directement, quoi. Est-ce que tu as rencontré... Outre les, mis à part les combattants d'Azov et autres. Attends, parce que quand tu parles les combattants d'Azov, pour les gens qui ne connaissent Ouais, et autres bataillons ouvertement d'extrême droite, est-ce que tu as rencontré d'autres combattants? On m'a parlé de musulmans caucasiens indépendantistes, on m'a parlé aussi de russophones qui n'étaient pas d'accord avec la politique Poutine. Donc j'aimerais bien savoir si tu as rencontré du monde et comment vous cohabitiez, en fait. C'était vraiment le côté un peu magique de la chose, c'est que j'ai vu des gens qui venaient de Singapour, j'en ai vu qui venaient de Corée. Il y avait notamment 80 Japonais qui sont arrivés au quart, complètement déchaînés, des petits sacs, à mon avis, auxquels il ne fallait pas se frotter. Et déjà, des petits sacs ? Des petits sacs. Des petits sacs, ok, de corps. Ouais. Un Japonais peut l'être, côté Yakuza, samouraï, etc. Okay, assez okay. Efficace, c'est guéri, quoi. Et il y avait pas mal de Canadiens, d'Anglais, beaucoup d'Anglais quand même. J'étais assez surpris, mais ce sont toujours des chiens de guerre, les Anglais, ça c'est culturel chez eux. Et même dans la hiérarchie qui s'était mise en place pour faire la démonstration de certaines armes qui venaient du reste de l'Europe, il y avait quand même des militaires aguerris, voire pensionnés par l'armée de laquelle ils venaient, qu'elle soit. Il y avait des Australiennes, des Néo-Zélandais. Moi, j'ai compté 54 nations, personnellement. Ouais. Arrête. Et sur combien tu dis ? Il y a autant d'idéologies. Oui, ça, ouais, ça, ouais. Celle qui prédominait, c'était quand même de venir en aide aux civils avant tout, quoi. D'accord. Pas spécialement. Personne n'était vraiment là, peut-être à part certains Tchétchènes. Certains Tchétchènes qui avaient rejoint le camp ukrainien, donc sans être des mercenaires ou des gens. À la solde de Poutine, en fait. Ouais, voilà. Ouais. Qui sont certainement de l'époque où la Tchétchénie a subi aussi les foudres de l'Empire soviétique sur sa fin. Mais quoi, si je comprends bien, c'est pas des gens qui venaient un peu chercher la fight avec les armes et tout, c'est plutôt des gens qui venaient aider les civils, c'est ça que tu dis ? Il y avait un peu des deux, évidemment, parce que bon, le côté humanitaire était fort possible déjà à la frontière et dans des associations qui étaient sur place. Il y a l'envie de se battre, d'avoir une arme et de faire quelque chose de concret, par exemple en défendant une école, en sauvant une vie humaine. Quoi, c'est ta vue, ça ? Oui. Mais toi, Jack, bon, on ne se connaît pas, mais ouais. Tu vas chercher quoi, toi, là-bas ? Je vais chercher un accomplissement dans ma vision de la liberté des peuples et de leur droit à exister, et à ne pas être écrasé par l'impérialisme, quel qu'il soit soviétique, qu'il soit poutiniste ou qu'il soit américain. Je ne conçois pas qu'un peuple soit écrasé comme ça pour des raisons économiques qui échappent à la plupart des gens, même aux militaires en général. Et que c'est parce qu'au final, on pourrait se dire que c'est une dispute entre Vladimir et Vladimir, hein, si on prend un peu les choses. Hein, c'est... T'es pas d'accord avec cette vision un peu quand on la regarde d'en haut ? Non, je pense réellement qu'il y a chez les Russes des restes de soviétisme, et ce qui est logique parce que Poutine a quand même des techniques. Qui viennent du KGB, etc. Bon, il a été quand même marqué par l'impérialisme communiste. Donc, ça a imposé les choses, c'est l'autoritarisme. Et les Ukrainiens étaient plus, eux, dans une logique d'ouverture et de démocratisation, d'apprentissage de la liberté, parce qu'ils ne l'ont jamais connu, si ce n'est sous Makhno, quoi, en fait. Ouais, mais enfin, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet, mais ça donne vraiment l'impression, oui, c'est un peu le discours qu'on entend dans les médias dominants, c'est-à-dire que la Russie, elle n'est pas bien, et l'Ukraine, elle est quand même bien, quoi. Voilà, je simplifie l'idée. Je crois que c'est plus complexe que ça, mais moi, je répète, ce sont les hauts puissants, là, et surtout aussi avec les Américains, là, qu'on ne parle pas, parce que là, on ne parle pas du tout, on n'a pas encore cité, ou très peu. Il y a des enjeux d'énergie, gaz, pétrole, on n'en parle pas non plus. Je pense que le premier enjeu, c'est celui de la vie des personnes qui vivent sur place en Ukraine, qui sont quand même touchés de plein fouet, qui n'ont pas eu le temps de réagir ou de s'opposer à quoi que ce soit. Je veux dire, parce que même du côté ukrainien, l'appel aux armes a été... la loi martiale est imposée. Donc il faut savoir que si quelqu'un quitte l'Ukraine alors qu'il est en âge de se battre, il se peut qu'il soit abattu en chemin et qu'il n'en a pas la liberté. Ce qui arriverait très certainement ici dans notre pays si une guerre était déclarée. C'est que voilà, une certaine tranche de la population entre 18 en général et 45 ans est automatiquement sélectionnée pour participer, qu'elle le veuille ou non, à la guerre. Mais donc toi, tu décides de... T'es parti combien de temps là ? Parce que t'es de retour ici en Belgique, tu vas repartir ? Je suis resté une quinzaine de jours, je suis revenu parce que la caserne où nous étions entraînés et casernés pour dormir, etc., manger... a été bombardé et qu'il n'en restait rien. Quoi. Donc on s'est retrouvé vraiment devant la Légion internationale qui était toute naissante, parce que c'était le sixième jour. Moi, je suis arrivé au troisième jour. Et le sixième jour, elle a été bombardée complètement. L'état-major a été décimé. Il y a une quarantaine de tués dans les miliciens qui étaient sur place. C'est des blessés très graves quand même. De ce que j'ai vu, c'était quand même relativement... Donc à mon avis, le nombre de tués a été multiplié. Mais ça a complètement mis le chaos dans cette unité. C'était une unité naissante qui était en arrière-ligne. C'est-à-dire que nous étions tout près de la frontière polonaise, où là, il n'y avait pas encore eu de mouvement de troupes, etc. Et où les gens, même dans les villes comme Lviv, qui est la ville la plus proche, avaient gardé un rythme de vie assez quotidien, qui ne sortait pas de leur quotidien à eux, en tout cas. Quoi. Mais j'ai envie, parce que là, on est dans le cœur du sujet. Juste après, je te laisse. Mais quoi, toi, tu imagines, Jack, que d'aller là-bas, tu vas changer la donne, tu vas contribuer, tu vas... C'est juste un parallèle. Bon, ici, c'est sûr que c'est... On est aussi en prison, on est aussi dans nos petits KGB, mais bon, ici, il n'y a pas la guerre. Mais là-bas, c'est quoi, t'es prêt à tuer des gens, t'es prêt à... Ouais, je suis prêt à tuer des gens qui, eux, tuent inutilement et des innocents. Et... Qu'est-ce que t'as vu ? Explique un peu quand même. J'ai vu des choses atroces. Et comme je le dis, j'étais dans une partie relativement calme et qui n'était pas encore touchée par la guerre. Mais déjà là, c'est assez surréaliste, quoi. Parce que, bon, le système russe a toujours été quelque part fondé sur par exemple l'espionnage, l'infiltration, etc. Et ça, c'est une tradition, je l'ai vu de mes propres yeux, qui a perduré, parce que dès notre arrivée à la frontière au point de ralliement où on était attendu par des militaires et où on attendait les autres légionnaires afin d'intégrer la caserne qui elle se trouvait en Ukraine, à une vingtaine de kilomètres, on a été infiltrés par toutes sortes de gens qui venaient au renseignement, qui essayaient de nous dégoûter. Il y a des gens qui ont disparu dans un bois, qu'on a retrouvé avec une balle dans la tête aussi. Voilà, il y a des gens... Oui, mais ce sont les horreurs de la guerre, évidemment. Mais moi, j'avais plus envie... C'est du côté polonais. Jusque maintenant, il n'y a pas de guerre en Pologne, logiquement. Oui, mais pour moi, essayer de comprendre ma vision, parce que sinon, ça veut dire qu'on prend un camp... Bon, mais toi, clairement, t'as pris ton camp, puisque t'es parti défendre l'Ukraine, toi. Je suis clairement antimilitariste et anti-guerre, mais il faut... Ah, mais non, là, arrête. Là, tu me perds, vieux, je comprends pas. Si, parce que moi, je n'agis pas sur les ordres d'une hiérarchie quelconque. Je fais partie d'un corps franc qui décide pour la grosse plupart de ses actions ou pas. Et qu'il faut se dire que tant qu'il y aura des militaires... professionnels ou qui sont convoqués de manière autoritaire par les autorités, il faut des gens qui fassent un mur pour éviter que ces gens-là arrivent à toucher de plein fouet des populations civiles. Je pense qu'aucune guerre, aucune révolution même ne s'est faite, mis à part peut-être au Portugal ou dans deux, trois pays qui sont assez... qui sont assez rares. Aucune révolution ne s'est faite sans les armes. C'est bien dommage. Je suis le premier. Oui, mais là, on parle de. Là, c'est pas la révolution. Là, c'est carrément la guerre. Justement, ça vient de la révolution démocratique qui s'est passée tout en douceur dans l'esprit de la nation ukrainienne. C'est une nation qui a clairement quitté le carcan soviétique, qui s'est détournée du pouvoir de Poutine. Qui, quelque part, lui, avait repris la place d'un Staline ou d'un Lénine, hein, donc, c'est-à-dire d'un type qui a tout sous sa coupe. Et c'est une révolution qui a fait que la Russie a réagi. Oui. Mais quand tu parles de... Moi, je... Attends, je n'ai... Vladimir Poutine, oui. C'est un Staline ou... Il n'y a pas de camp... Il y a des camps, là, en ce moment Bien sûr. Il y a toujours des corps de rééducation politique, etc. Oui, c'est de l'autoritarisme qui, quelque part... Pour moi, l'extrême-gauche et l'extrême-droite, Staline ou Hitler, c'est le même combat. Ils ont des millions de morts derrière eux. Je ne vois pas les bonnes choses à prendre dans ce genre extrême-gauche, extrême-droite. D'ailleurs, Le terme socialisme se retrouve à gauche comme à droite. Hein. Le socialisme soviétique ou le national-socialisme. Et pourtant, ben, dans nos contrées, le mot socialiste semble moins heurté que, par exemple, celui de Corfran, par exemple. Oui, oui, oui. Tu dis, qu'est-ce que tu as dit ? Je disais surtout à Flemin, très à gauche. Il faut non, mais c'est... Ouais. Le communisme, par exemple, et le socialisme émanent de l'anarchisme à la base. Ce n'est pas le contraire. Ce n'est pas une variante. L'anarchisme n'est pas une variante du communisme. C'est la première composante politique de tout peuple, de la plupart des peuples en tout cas, sauf dans certaines tribus, c'est une tradition, c'est de ne pas avoir à subir le joug d'un maître et d'avoir à obéir à des... Tribal, coopératif. Voilà. Tu dis ? Le modèle tribal coopératif, pour moi, c'est la base du mouvement libertaire. Quoi. Et c'est là où l'humain peut se permettre de vivre en paix relativement bien avec ses voisins. Mais à côté de ça, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment dans tout ce que j'entends, tout ce que tu dis, c'est que les enjeux au niveau économique, les composantes multiples, les acteurs qui soient déclarés ou de l'ombre au niveau économique et militaire, ça me fait terriblement penser, et aussi la présence d'extrêmes comme Azov ou bien d'autres... du côté russe aussi, hein, on a les bataillons tchétchènes, fait terriblement penser à ce qui s'est passé en Russie, en Syrie, bien évidemment. Et alors, est-ce qu'on ne risque pas d'arriver à une situation de pourrissement comme c'est le cas en Syrie? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir énormément de jeunes, comme tu disais, qui partent combattre là-bas et qui finalement ne demandent qu'une chose, c'est revenir chez maman? Et est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des tarés aussi complètement... Même que si tu n'es pas jeune, hein, tu espères retrouver une vie... Je me pose la question sur l'avenir de ce conflit, vois-tu. Est-ce qu'on risque pas d'avoir quelque chose de type Syrie qui n'est pas fini, quoi, tu vois ? Il n'y a aucun avenir dans des situations de conflit, ça c'est évident. Il y a des enlisements, ça c'est sûr, certain. Et du business à faire ? Le business, certainement. Mais moi, j'avoue que j'ai plus été voir dans les yeux la population civile, les gens qui étaient blessés, la détresse du peuple. Combien ? Il paraît que je retiens jamais les chiffres, mais il y a un déplacement de population, beaucoup. Hein. Non, on arrive quasi aux 5 millions maintenant. 5 millions ? Ah ben, j'imaginais pas un chiffre comme ça, moi. L'Ukraine fait entre 40 millions et quelques. Donc voilà, c'est déjà un huitième de la population qui a pris la poudre d'escampette, quoi. Et je crois que si la plupart pouvaient le faire, le pays serait quasi vide, c'est un fait, parce que ces gens-là n'ont pas ni les armes ni des fois l'envie de mourir pour le patrie. Évidemment, heureusement. Et alors ma question, justement, tu parlais des personnes des exilés, comme on dit poliment ici, qui sont, moi je trouve, là c'est mon rôle et c'est mon cœur d'éducateur spécialisé de terrain qui travaille avec les personnes réfugiées, mais qui viennent d'autres zones de combat. Je trouve que l'accueil qui est fait aux Ukrainiens ici est exemplaire, du moins prétend l'être, du moins, même s'il s'appuie en bonne partie sur la population civile, s'il n'y a pas beaucoup qui est investi. Quoi, tu l'as vu de tes yeux ou bien tu as lu, tu as entendu ? Non, je l'ai vu, je le sais. Quoi. Donc, moi, je me pose énormément de questions quand même, et j'aimerais bien avoir ton avis par rapport aux personnes qui viennent d'autres zones de conflit et qui ne sont pas ukrainiens et qui ne sont pas accueillis de la même manière ici. Est-ce que déjà, aux frontières de l'Ukraine, aux bordures de l'Europe, en Pologne par exemple, est-ce que toi tu as pu constater vraiment un racisme primaire chez certaines personnes très très à droite, quoi, en Europe ? Les droitistes habituels, c'est-à-dire les policiers, certains militaires, qui en général sont rarement à gauche. Ouais. Enfin, quoique, parce qu'il y a des policiers et des militaires qui ont travaillé sous l'époque soviétique. Hein, comme je dis, pour moi, Hitler ou bien Staline, même combat, même charnier. Quoi, mais le problème, c'est que, par exemple, dans toute l'ancienne composante du bloc de l'Est, il y avait très peu d'immigration de couleur. Ça, il faut le savoir. Il y avait certains pays comme l'Angola qui avaient certains échanges que nous, on n'a pas pu quantifier, ni parce qu'on vivait quand même dans deux mondes différents. Et donc, le racisme primaire de n'avoir jamais vu une personne de couleur originaire d'Afrique, par exemple, existe bel et bien dans tout l'ancien bloc communiste. Ça, c'est une réalité, c'est évident, quoi. Pourquoi tu as vu ça, du coup, alors ? Je l'ai vu, ouais, j'ai vu comment certains étudiants camerounais, par exemple, ou peu importe d'où ils venaient, mais qui étaient d'origine apparemment africaine, ou subsaharienne, ou maghrébine, enfin, des gens qui avaient une différence notoire avec le slave moyen, étaient racisés, ouais, et avaient vraiment un traitement totalement inhumain, alors que j'ai vu la Pologne, qui est réputée quand même pour un certain catholicisme rétrograde, etc. Pas dans sa population en général, mais qui est connue pour être fort réactionnaire. Dans sa politique, alors, tu veux dire ? Oui, dans sa religiosité. C'est quand même une enclave de l'Église catholique romaine au milieu de pays qui sont plus soit protestants, soit orthodoxes. C'est un peu comme il existe dans d'autres pays de l'ex-bloc de l'Est, des gens qui sont toujours restés fidèles à l'Église du pape et pas à celle des popes, quoi. Ça, ce sont les différences qui existent entre les chrétiens. Mais j'ai vu le mouvement, malgré une certaine pauvreté. Je ne dis pas qu'ils sont totalement arriérés, d'ailleurs, pour beaucoup de choses. J'ai été surpris lors de mon passage en Pologne par la modernité environnante, la qualité des autoroutes qui est toujours surprenante quand on vient de Belgique. Et ils sont vraiment dans un move de changement et de modernisation en Pologne, où chacun semble quand même être dans sa bulle, sa voiture. Un peu comme le Belge moyen, voilà, individualisme et capitalisme renfrogné. Et là, j'ai vu des gens qui partageaient vraiment. Ils ont quand même une bonne moitié, si pas les trois quarts des 5 millions de personnes à leur charge dans des villes comme Cracovie, etc. Parce qu'il y avait déjà aussi pas mal d'Ukrainiens qui avaient choisi d'émigrer en Pologne. Quoi, tu veux dire qu'il y avait de la solidarité, c'est ça ? Une très très grande solidarité, malgré le fait que le polonais moyen n'écrit pas le cyrillique. Il est orthodoxe. Il y a beaucoup de différences assez... Ils n'ont pas le même alphabet. Voilà. Ni la même culture. Mais ils ont vécu aussi des sales histoires dans l'histoire. Je crois que c'est dû au fait que la longueur de la frontière commune que partagent la Pologne et l'Ukraine, hein, qui est quand même la plus grande. Et alors, restent d'autres options, comme la Russie, évidemment, hein, qui est de l'autre côté, où là, je pense que ceux qui ont eu peur se sont dit « je vais quand même pas aller là », ce qui est un réflexe normal, malgré qu'il y en ait eu. Et alors, tu as la Moldavie ou la Roumanie, qui, eux, sont vraiment... socio-économiquement incapables de solidarité avec autrui, parce qu'ils ont déjà du mal avec eux-mêmes, quelque part, quoi. Et là, la Pologne, j'ai vraiment vu des choses, et qui durent dans le temps, parce que j'ai des contacts en Pologne, à la frontière, à Lublin, etc., où ça continue, et il y a des gens qui manifestent... On est fort dans les motifs, hein, je vais dire que c'est... Encore une fois, c'est une guerre qui a été tout de suite télévisée, internetisée. À fond. Donc, tout le monde est quasi... a toujours l'impression d'être au courant des dernières choses qui se passent. Et ça rend les guerres beaucoup plus émotives. Et comme le fait de la proximité de l'Ukraine, qui n'est quand même qu'à 2000 km, intervient aussi dans ce fait qu'il y a des réactions plus massives. Je crois, par exemple, que certains conflits dont tu parlais, en Érythrée, etc., où les gens conçoivent un peu moins bien ce qui s'y passe. Oui, parce qu'il y a moins d'images, il y a moins... c'est pas médiatisé. La durée aussi, en fait. Tu dis fatigue. La durée fatigue aussi, c'était le sens de ma question par rapport à la Syrie, parallèle Syrie-Ukraine, tu vois. Et alors... moi, j'aurais voulu savoir quand même, parce que je pense que la presse n'a pas été des plus justes avec toi. On t'a fait passer pour un lâche, pour un nazi. Voilà, j'en passe, c'est des pires. Pour un lâche, ça, je ne pense pas. Mais de toute façon, je n'étais pas là pour passer pour un héros. Mais cette médiatisation-ci, que j'avais choisi de ne pas pratiquer au moment, par exemple, de la Yougoslavie, vient du fait que, quelque part, l'État a avalisé le fait qu'on puisse s'engager en Ukraine, ne l'a pas vraiment interdit, tout en restant fort en retrait et en ne se prononçant pas comme l'État belge a l'air de le faire pour la plupart des choses. Oui, mais bon. Par contre, ils envoient des armes, mais pour envoyer des bras, ils sont un petit peu plus pointilleux, parce qu'il y a aussi le fait que si vraiment on s'était retrouvé un bataillon de 5000 Belges, il se peut que le sieur Poutine se soit dit je vais mettre une bombe sur la gueule des Bruxellaires, qui comprennent mieux qu'il ne faut pas s'en mêler. Quoi. À ce point-là. Ouais. Moi, je prends la Légion internationale comme une réaction quelque part populaire au manque de prise de décision et de d'actes posés pour le peuple ukrainien qui souffre quand même de ce qui se passe. C'est clair que les soldats sur qui on tire... Les Russes aussi, hein, les gars. La Russie aussi, sûrement, non. Oui, elle est moins attaquée, mais ça doit être compliqué aussi pour elle, quoi. Elle est moins attaquée... Je dis ça et en même temps, je dis n'importe quoi. Elle n'est pas attaquée du tout. Ils ont attaqué dernièrement un site pétrolier. Et c'est la première fois qu'ils se permettaient de rendre la monnaie quelque part aux Russes de leurs pièces. Oui, mais il y a toutes les sanctions, ça s'est rigidifié le pouvoir en Russie aussi, hein, sur monsieur, madame, tout le monde. Vous voyez, j'ai toujours du mal à vraiment être pour un camp ou pour l'autre, quoi. Je regarde vraiment plutôt en termes de, vous voyez, hiérarchique, quoi, au fond. Le peuple, il se fait toujours bien couillonner par les imbéciles là-haut qui se bagarrent des territoires de pétrole, des territoires d'énergie, vous voyez. Non, c'est à moi, non, c'est à toi, maintenant, c'est plus à moi. On remet le drame du nazisme et des camps de concentration à la seule personne d'Hitler. Ça manque quand même un petit peu de logique, restons quand même... Voilà. Oui, mais attendez, on peut pas. Là, c'est autre chose, quoi. Là, on rentre dans une autre. Ce n'est pas autre chose. Il faut savoir quand même que Vladimir Poutine a un moteur de combat qui, pour le moment, est la slavitude, la grandeur de la Russie. Pourquoi pas ? Tu crois que c'est différent que la France ? Mais tu dois écouter la France à 16 heures. Hein, elle a envie de revenir. Mais non, mais moi, c'est là que je vous suis pas. C'est que si nous, attends, après chacun, c'est que bon, la Belgique, je suis moins au courant, mais c'est de toute façon toujours les mêmes logiques. La France, elle veut briller, elle veut, voyez, elle joue la démocrate, mais en fait c'est une petite fille de pute. Vous voyez, elle fait les choses en chemette, mais tout compte fait, c'est pas plus intelligent, vous voyez, c'est pas plus libérateur des peuples, quoi. Il y a quand même un débat, ne serait-ce que les élections qui vont arriver, où gauche et droite ont quand même chances égales. Hein. Mais non. Pour moi, la démocratie par le vote, c'est... Toi, tu y crois ? Non, moi, je ne crois pas à la délégation politique du tout. Je ne crois ni à la gauche, ni à la droite. Je crois au pouvoir, au peuple et au référendum permanent. Pour toute chose. Pourquoi être représenté par quelqu'un qui va décider à ma place pendant 5 ans alors que je peux le faire avec la technologie qui existe ? Pourquoi ne pas plus se gérer et être plus responsable, même en termes... La technologie, tu es d'accord que c'est des métaux rares qu'on va exploiter de l'autre côté tu vois ce que je veux dire ? Ça pose aussi cette question-là, quoi. Je veux dire qu'on pouvait déjà, à l'époque, avec les ondes radio qui, quelque part, n'étaient pas... aussi nocif, on pouvait déjà faire beaucoup de choses. Tout dépend de ce qu'on fait des technologies. De toute façon, elles sont là. Et le fait est qu'on pourrait tous les jours, par exemple, à la place de regarder le journal télévisé ou N'oubliez pas de chanter, ou peu importe, on pourrait regarder une émission qui nous explique, voilà, dans telle commune, on a décidé, on a un budget de... Et la personne qui vote à ce moment-là, pour quelque chose qui la touche dans son quotidien, peut se prononcer constamment sur des sujets. C'est sûr, mais bon, après, c'est un autre, on prend un autre chemin, là, mais la technologie pose des questions, quoi, profondément. Ouais. Enfin, voilà. Mais oui, moi, ce que je voulais juste souligner... De la main levée, il n'y a rien de technologique. Je veux dire, voilà, mais il faut retourner à des petites échelles. C'est compliqué comme sujet, hein, mais oui, la technologie, elle pose plein de questions, vous voyez, de l'ordre... du travail des gens, de l'ordre... Enfin, c'est horrible tout ce qui se passe, quoi, avec notre technologie, nous, de notre côté, ici. Mais moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que nous, on joue les démocrates, vous voyez. Le Poutine, il joue, en tout cas, on dit de lui que c'est un sale, autoritaire, impérialiste, mais c'est tous ceux qui sont en haut et qui veulent la même chose, mais il y en a, ils prennent des manières différentes d'y arriver, quoi. Je crois que quand on regarde Vladimir Poutine et qu'on le résume à un personnage un peu comme Benito Mussolini ou un Adolf Hitler, c'est refuser de voir derrière toutes les forces qui sont en présence. Il y a l'armée russe qui est quand même... c'est une armée de 2 millions de personnes, de gens qui sont là, qui n'attendent qu'une chose, c'est de faire la guerre. Et l'Américain, pas ? Oui, si. Sur l'échiquier, enfin, tu vois, c'est un peu toujours la même logique. Là, les vrais... Les Russes sont pas... Les seules personnes qui peuvent faire des pressions conséquentes sur le monde politique sont ceux de la police et ceux des armées. Le reste, la société civile, ils n'en ont rien à foutre, c'est au clair. Parce qu'on a beau parler, on n'a pas les armes. T'as envie de dire quelque chose, David? Il reste plus beaucoup de sur ce qu'on vient de dire. Je voulais rebondir là-dessus avant que Jack nous dise peut-être un petit peu ses projets pour l'avenir. Je crois qu'on est dans autre chose quand même aussi qu'un conflit local, parce qu'il y a on en a parlé sans en parler. Je vais aller très vite. Il y a toute la composante africaine. L'Afrique vient de se libérer de la France de façon magistrale, avec entre autres l'aide de Poutine. Les jeunes, entre autres. Donc les jeunes panafricanistes sont en train de décider, les hommes d'affaires, avec qui ils font du business, pourquoi ils font du business, et pas uniquement dans leur intérêt, mais dans l'intérêt de leur peuple, justement pour les booster vers le haut. Ça, c'est un point extrêmement positif, mais ce qu'on n'est pas déjà dans une logique mondiale, tu vois, de conflit mondial. Alors, il y a aussi des événements qui se passent en Amérique du Sud. À côté de ça, je passe sur l'Asie rapidement, mais j'aimerais quand même savoir ce que Jack compte faire de son avenir proche. Voilà. Il reste trois minutes, c'est la fin. Voilà. Il est revenu blessé. Je suis revenu blessé, mais je suis réparé, donc ça va. Mon avenir prochain, c'est dans les heures qui suivent, c'est de rejoindre l'Ukraine, mon bataillon, et d'aller faire ce que j'étais déjà allé faire la première fois. Par comment ? Ça, je peux pas le dire. En hélicoptère ? Tu dis ? Béret. On se retrouve devant, après, quand tu reviens, devant un pot avec un béret. Du moment où je vais pouvoir revenir, ouvrir un café de la Légion, où il y aura des vieux truands balafrés. Parce que ce sont quand même des aventures, quelque part. Je ne dis pas que la guerre est une aventure, mais nos grands-parents, par exemple, qui avaient connu les camps, etc., ont sorti de ces choses-là des notions de solidarité et et d'urgence que nos sociétés, le cul dans le beurre, entre parenthèses, de pays démocrates, entre parenthèses, et pas en guerre, ont du mal à percevoir. Et... Ouais, mais on ne souhaiterait pas qu'il y ait la guerre pour que... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Toute dernière chose, justement, pour bien clarifier les choses, que ce soit Jack ou moi, nos grands-parents ont bien connu les camps. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Les camps de concentration ? Les corps de prisonniers pour un de mes grands-pères, le maquis pendant 4 ans, il en est mort à la fin. Et lui, c'était plus dramatique, donc voilà quoi. De toute façon, nos ancêtres derrière ont vécu la guerre. Enfin, on peut pas. Est décédé, je pense. C'est à toi de le dire, c'est pas à moi. C'est un sacré personnage qui était socialiste malgré qu'il était friturier indépendant. Et... Comment t'as dit friturier donc friture, quoi. Le père Lafrite, hein, monsieur Jean Paternotte, et qui lui a fait les 5 années à Dachau et on est sorti rescapé, a vécu jusqu'à 88 ans et a appris à retolérer les Allemands et à faire la part des choses. Donc voilà. Bon, maintenant, je ne vais pas faire mon indigné quand on me traite de nazi par rapport à mon grand-père. Ça ne m'indigne pas du tout. De toute façon, la plupart de la presse belge francophone, hein, je tiens à le souligner, parce que j'ai vu une sacrée différence grâce à ce que je viens de traverser. Je la vois toujours. Entre le côté francophone et le côté flamand. Qu'est-ce que tu veux dire en quelques mots ? Comment je nous situe ? Ben, Moscou 1980, avec l'œil de Moscou, qui est un peu la RTB, et la variante un peu people libérale, qui est celle d'RTL. Mis à part ça, il n'y a pas vraiment de grandes initiatives qui ont été prises. Par contre, en Flandre, il y a un développement avec leur développement culturel. On n'a plus, par exemple, de magazines ici en Wallonie satiriques, comme par exemple Humo, existe toujours en Flandre. Il y a toujours un débat politique en Flandre qui, on apprécie ou on n'apprécie pas, va de la NVA au Parti des Travailleurs, donc la variante flamande du PTB. Il existe un vrai débat et de vrais enjeux qui... Ouais, tu trouves ça? Moi, je me suis jamais vraiment renseigné, mais j'avais entendu, il y a quelques années déjà, 60% en moins pour la culture au niveau de subsides. T'avais entendu ça? Oui, non, mais bon, le gouvernement flamand, pour dégraisser un peu le système fédéral qui était en place, a choisi de ne plus financer certaines associations. C'était chaud à ce moment-là, hein. Ça l'est toujours. Non, c'est ici que c'est chaud, hein, où on a 53 associations qui s'occupent des mêmes dossiers et où les gens sont salariés. En francophonie, tu veux dire? En francophonie, oui. Ouais. À mon avis, en Flandre, c'est aussi un peu comme ça. Hein. Non, pas du tout, non, parce que là-bas, ils ont supprimé... bel et bien les subsides aux ASBL qui n'arrivent pas à s'auto-financer. Quelque part, ben, le tri est fait, il reste les bonnes. Ah voilà, ok, c'est comme bon, ça que tu vois les choses. On a nettoyé et c'est très bien, tu trouves ça très bien? Je trouve ça très bien parce qu'ici, le milieu associatif est devenu un milieu de fonctionnaires qui refusent de dire son nom. Pour la plupart du temps, et ça dénature le combat de beaucoup d'associations qui sont passées dans le carcan des bureaucrates complètement périmés qu'on a pu connaître à la fin du soviétisme, ou comme on connaît ici. Et il y a quand même une forte population ici qui dépend de l'État d'une manière ou d'une autre, qui prétend être dans une SBL qui n'a rien à voir, par exemple, avec un parti ou l'autre en place. On doit stopper. 59. D'accord. Merci, Jack. De rien, merci à vous. Merci, Xavier. Toujours avec plaisir.